Bien, bonjour tout le monde, ici Lalonde des Ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là à chaque semaine, comme ça, à vous offrir bien sûr un 2 heures de musique franco-canadienne d'un bout à l'autre du pays. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai pour vous? J'ai du Audrey Basque-Gauguin, j'ai du Danny Boudreau, Amélie Hall, l'album de la semaine, celui de Marjolaine Moras, chanson de laine. On a aussi à vous offrir comme ça du Marie-Claude, Céleste Lévy, D-Track, DJ 1Pierre, Alexandra Strelitzky, Maurice André Aubin. J'ai également du Sean Jobin, du Lord Byron et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens dans quelques instants, bien entendu, avec le bloc des Maritimes à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et comme à l'habitude, je tiens à remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada, merci beaucoup. Merci beaucoup aux directeurs et directrices de programmation des stations suivantes. CKGM chez Tika, WFM 98 Halifax, CFRB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. Il y a CKMA Miramichi, Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté Simcoe de la région de Barrie, en Ontario. En vol 91, Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg, Saskatchewan, CILS Victoria, Colombie-Britannique, et CIVR, Irlandaise, territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission. Beau bonjour à tous les gens qui m'écoutent dans toutes ces régions-là. Et bien entendu, si vous avez des commentaires, des suggestions, même des contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental, ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdn@commercial.gmail.com. On va y aller, si vous voulez bien, avec le bloc des Maritimes, qui commence avec une jeune auteure-compositrice-interprète qui va faire partie de la 50e finale du gala de la chanson de Caraquette. Et oui, le gala de chanson de Caraquette en 50 ans. Et la grande finale, c'est le 22 septembre à 19h au Centre culturel de Caraquette. Qui sont les finalistes? Eh bien, il y a Isabelle Hébert, il y a Christine Melançon, Audrey Basque-Gauguin, qu'on va entendre dans quelques instants avec Seul, une pièce qu'on retrouve sur la compilation Accro de la chanson 2018, et le groupe Loup Marin, dont fait partie Tommy Bolger, qui, lui, on va entendre la pièce La Ligne dans quelques instants. Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler. Je suis sombre comme un nuage, mais je finis toujours par pleurer. Mon seul ami, c'est mon ombre, qui me suit toujours par en arrière. Qui est là quand moi je tombe, même dans mes étranges barrières. Mon corps encaisse les coups et ma tête retient les mots. Je fais semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Parfois je me sens si seule quand le monde me tourne me sens comme un vieux déchet que personne ne veut de moi. Je suis sage comme une image, je ne veux jamais parler. Je suis sang comme un nuage et je finis toujours par pleurer. Semblant d'aller bien, mais dans le fond, je suis seule. Je me mets à chercher un bout de tabac, un restant de joie. Dans l'odeur du gaz et les feuilles de novembre, le bruit des moteurs enterre ma souffrance. J'ai pas toujours dormi dans la rue, j'ai toujours été un inconnu, et j'ai manqué un tournant. J'ai foncé dans un grand mur. Le choix, dérangez vos vies. Quand le jour s'éteint, quand l'hiver fait son chemin, dans la froideur et le peu d'espérance, je perds le compte de mes nuits blanches. J'ai pas toujours dormi sous les ponts. Déjà eu une autre vie avant, mais j'ai manqué un tournant. J'ai foncé dans un grand mur blanc. Voilà, Tommy Bolger de la formation Loup Marin et la grande finale du 50e gala de la chanson de Caraquette. C'est le 22 septembre au Centre culturel de Caraquette. Le 20 octobre 2018, c'est le 6e gala de musique country animé par MC Gilles. Ça se passera du côté du casino du Mont-Tremblant. Et il y a plusieurs artistes qui sont en nomination, dont Amélie Hall. Amélie Hall, elle est là, elle, pour tout simplement album de l'année, composition originale de l'année, auteur-compositrice de l'année et la chanson de l'année. Elle est en nomination pour toutes ces catégories-là. On va l'entendre dans quelques instants avec « Mon cœur en Acadie » tiré de son album « Cultiver l'amour ». Excellent album qui est vraiment très intéressant, de très bonnes pièces originales, plus que le premier album d'Amélie Hall. Donc, c'est vraiment magnifique. Mais juste avant, on va entendre Danny Boudreau avec la pièce « Adélaïde », une reprise de Pascal Lejeune, mais à la façon de Danny Boudreau. Et lui, il est en nomination pour l'album de l'année, interprète de l'année, auteur-compositeur de l'année, réinterprétation de l'année et spectacle de l'année. Donc, ça va très bien pour Danny Boudreau avec son album « Mon été » qui reprend les grandes chansons d'auteurs-compositeurs-interprètes acadiens, mais revisité par Danny Boudreau, qui est vraiment un auteur-compositeur remarquable au niveau des mélodies. C'est un des meilleurs. Et selon moi, c'est bon. Après Denis Richard, c'est bien sûr Danny Boudreau, l'auteur-compositeur-interprète le meilleur de sa génération, selon moi. Donc, comme je vous dis, de son album « Mon été », on va entendre « Adélaïde » de M. Pascal Lejeune. Par la suite, on entendra, comme je vous disais, « Mon cœur en Acadie », très, très, très belle ballade signée Amélie Hall. Les deux seront du côté du casino du Mont-Tremblant le 20 octobre prochain. Clyde, le coffre fort à sauter. Adélaïde, Adélaïde, Adélaïde, amour impossible, l'amour derrière les barreaux. Adélaïde, vol, vol comme l'oiseau.

perdus se retrouvent pas, même si t'es busy. Faut l'apprécier, en profiter, même si t'es busy. Faut jamais regretter de ne pas avoir pris le temps. On sait jamais ce que demain nous réserve, profite-en. Se retourne pas. Wow-oh. Prends le temps, prends le temps de vivre chaque moment. Le temps passé ne reviendra pas. Ouais, prends le temps, prends le temps, prends le temps d'admirer le présent. Ce beau cadeau ne se retourne pas. Prendre le temps de Laurie Leblanc, lui aussi sera au gala de la chanson Country le 20 octobre prochain. Il est en nomination pour chanson de l'année, pardon, interprète masculin de l'année et spectacle de l'année. Donc, ça se passe le 20 octobre prochain au Casino du Mont-Tremblant et c'est animé par MC Gilles, un gars assez drôle à regarder, vraiment très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le nouvel album de Simon Daniel qui s'en vient au mois, je pense, c'est la fin septembre, début octobre, et c'est la pièce titre qu'on va entendre dans quelques instants, Nightcrawler. Vraiment intéressant, j'ai bien hâte d'entendre le reste de l'album. On l'écoute, voici Simon Daniel pour terminer le bloc des Maritimes avec Nightcrawler. Solitaire.